Eh ben, quelle émission, Kylian. je pense que tu es sur la bonne voie et peut-être qu'en juin, on aura une bonne émission. Peut-être, oui. On aura peut-être une sur les 5500. D'accord. Ok, très bien. Bah, merci, Kylian. Bah, de rien, on se retrouve la semaine prochaine pour le 19-20h. Je vois que tu m'as laissé deux titres pour l'émission. T'as pas réussi à caser ça. T'as parlé trop longtemps, c'est ça? Voilà, bah oui. Oh là là. Non, mais on te remercie. Triplette. Oui, je pense. Allez, on se retrouve dans ton émission. Oui, bah, on peut. Lancer le générique peut-être. Eh ben on peut. Allez, alors c'est parti. Neil Armstrong est le premier à avoir marché sur la Lune. Okay, Chuck Yeager est le premier à avoir franchi le mur du son. Et il y a Jadoul, qui lui est le premier à avoir rentabilisé la machine à café du studio. Mais c'est aussi le numéro 1 du samedi soir. Et ça, c'est vraiment pas mal, non? Jadoul, 20h-22h, sur Hilar FM. Bienvenue à vous, vous écoutez Hilar FM, la première radio du samedi soir qui vous propose tous les titres que vous aimez de 19h à 20h avec Kylian qui a fait un magnifique passage d'antenne, félicitations. Merci. Et bienvenue à toi dans l'émission. Bah oui, bah comment ça bienvenue va? Bienvenue à toi aussi, tiens, dans ton émission. Merci, c'est gentil, tu m'as chauffé la place, ça va, le CG chaud. Ah bah, donc je t'en remercie. Je suis payé pour. Hein. Pour une fois, le Facebook Live commence en même temps que nous. Bah c'est parfait. Par contre, une radio qui ne commence pas en même temps que nous, c'est ARL FM. De vacances. Merci Kylian. Merci maman, merci papa. Alors, en fait, eux, ils ont dit on éteint l'émetteur durant l'émission. Donc, actuellement, ah oui, on n'est pas diffusé du côté de la station ARL FM. Donc, on n'a pas besoin de parler d'eux ce soir. C'est gentil. On les embrasse quand même s'ils nous écoutent. Donc, on va en clôturer ce passage à propos de bricolage FM. Et on enchaîne directement sur ce qui va se passer dans cette émission. Parce que je vous le dis, il y aura du lourd. On va avoir en premier lieu les news de la semaine avec tout ce qui s'est passé d'insolite et dans l'actualité. On va faire un petit crochet sur le mariage royal, la compagnie et tout ça. Non, les Britanniques n'en ont rien eu à faire de toute la journée. Et on va parler également des aventures de Kylian, sans oublier notre Jean-Michel qu'on va avoir dans cette émission par téléphone d'ici quelques instants. Plus Terence Bernard, notre chroniqueur amateur, qui va arriver d'ici quelques instants. On ne sait pas trop parce qu'il est en train actuellement de faire son spectacle. Il est en train d'être sur les planches. Pour une pièce, je ne sais pas laquelle. Ah, je ne sais, j'étais même pas au courant. Moi non plus. Ah bah, donc, voilà. Il m'a dit, ouais, il a dit à la coordinatrice de production, je viens, il n'y a pas de souci. Et on m'a dit, non, il viendra pas à l'heure. Donc, ça renforce le côté artisanal de cette émission. Et le côté Terence. Et le côté Terence. Alors, rappel, dans cette émission, on a toujours l'alerte au gros mot. Celle qui nous a rendu célèbre à travers la Belgique. C'est-à-dire que vous nous entendez dire un gros mot et fatalement, après, vous entendez cette alerte, ce qui fait 5 euros en plus dans la cagnotte à Jadoul, qui fait que au final, vous pouvez remporter la totalité de ce qu'on a dit en insultes en euros. Voilà. C'est plutôt pas mal, mais pas bien pour nous. J'aime autant vous dire, vous pouvez déjà vous acheter une nouvelle maison. Hein. Non, c'est parce que voilà, il y a un mois, on a dit que cette émission est un petit peu vulgaire, donc on s'est dit qu'on allait rechanger ses habitudes et faire une émission un peu plus polie. Tiens, dans les titres que tu m'as laissé, Kylian, j'ai un Dimitri Vegas All I Need. Oui, c'est tu, ça. Ouais. Tu exactement. M'autorises de le lancer? Bah oui, je t'autorise. Ah, c'est gentil. Merci. Donne-moi un papier, je vais le signer d'abord. Merci bien. Vous écoutez Hilar FM, c'est le 20h-22h qui est là avec vous chaque samedi pour vous donner tout ce qu'il faut pour passer un bon week-end. Bonne soirée. Vous écoutez Hilar FM. Jadoul, 20h-22h, sur Hilar FM. Vous êtes dans la première émission du samedi soir, celle qui est très contente de vous accueillir. Alors on a encore battu un petit record, hein. La semaine passée on était pas mal, en termes d'audience au niveau de la moyenne on était pas mal. Alors là on vous remercie car c'est grâce à vous que cette émission avance et se développe. Kylian ? Oui. Hors antenne, il me dit. Oui mais... Le problème de mes anecdotes, de ce qui m'arrive au quotidien, c'est que je m'en souviens plus jusqu'au samedi. Oui, parce qu'en plus j'en ai plein, mais c'est juste que le temps que j'arrive jusqu'ici, je les oublie. Enfin, je veux dire, il y en a tellement qu'au final, ça chamboule et puis voilà. Car la qualité de Kylian, c'est quand même de pouvoir savoir qu'il va faire une connerie. Tout faire pour ne pas faire cette connerie, mais il va la faire. C'est ça la petite différence. Monsieur, j'ai une anecdote. Hein, Oula, attention, on sort l'accordéon, grosse c'est anecdote. C'est une ancienne. Allez, c'est parti, on retourne dans l'ancien temps. Donc bah voilà, j'avais un ordinateur. À ce moment-là, il était nouveau. Et j'ai voulu descendre les escaliers, mais malheureusement, il est resté attaché à mon pied, le sac à PC. Le sac à PC. À PC, à ordinateur portable. Et du coup, vu qu'il est resté attaché, j'ai failli tomber dans les escaliers, mais le PC, lui, est parti. Il a fait plusieurs cumulés et a fini dans le mur. Et vu que c'était un mur... C'était une cloison. Voilà, c'était une simple cloison, bah ça fait un petit trou dedans. Le PC a eu un petit peu mal, le mur aussi, et au final, au soir, moi aussi. Et il avait rien à l'ordinateur au final. Non, il a rien eu, bah il est un peu comme moi quoi. Un petit coup sur la tête et puis... Bah bravo Kylian. Merci. Vous en pensez quoi Laurent Ruquier ? Les hommes aiment votre poitrine. Bon, ça ne change pas ça, hein. On est toujours sur la même longueur d'onde. Il faudrait qu'il change de disque à un moment quand même, parce que oui. Depuis le temps qu'il nous le dit, ça commence à être long. Bien, si tout le monde est prêt, nous pouvons passer au contenu de cette émission. Oui, car il y en a, et oui, on le prépare. Ah, ah, on ne le savait pas. On s'est fait démasquer. C'est bien simple, on va passer aux news de la semaine. On a beaucoup de dossiers à traiter, mais n'oubliez pas que pour nous contacter, c'est bien simple, il y a un seul numéro de téléphone à connaître. Le plus 32 49 9 15 60 et 15. Et, attention. Et, hein, pas 75. C'est pas 75. Hein. Voilà. C'est 75. Donc c'est à noter, vous le notez chez vous, comme ça j'ai fait. Et je le redis, comme ça vous êtes sûr. Alors c'est plus 32 49 9 15 60 et 15. Voilà. Et mais... baffe de la part des auditeurs à Kylian. Merci. Non mais est-ce que le standard est nouveau ouvert? Le standard? Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Le standard n'est pas allumé. Je te remercie Kylian. Bah, t'as rien. Je te rendrai ça. Bon, dans l'actualité, on a une rumeur à laquelle on va mettre fin, car c'est complètement faux, c'est une fake news. La Chine ne vend toujours pas de riz en plastique, comme nous le rapporte le site 20 minutes, car depuis des semaines, il y a les réseaux sociaux qui nous rapportent une rumeur qui fait que la Chine passe pour un pays qui crée son riz avec du plastique. Du riz avec du plastique? Non, une imprimante 3D fait du riz, quoi. En gros, c'est un truc comestible. Mais c'est sale. Bah c'est pas que c'est sale, tu bouffes pas ça. Oui oui non mais non mais je m'imagine manger du riz plastique. Bah ce soupe, il y en a. Bah tu manges des biques. Merci. J'en voudrais ça. Bah c'était cadeau. Un point partout, balle au centre. Bon. Partie de ping pong. Non. Il vient d'atterrir. Donc le riz en plastique n'existe pas, c'est ce qui nous rapporte, et c'est une fake news qui s'appuie sur un vieux scandale de 2010 lorsque l'entreprise Wushang avait été accusée par ses clients de les avoir trompés en leur vendant du riz avec de la qualité médiocre qui s'assimilait à du plastique. Ah. Ah. C'est... c'est spécial. Voilà. C'est spécial. Donc, on vous rassure, il n'y a pas de riz en plastique qui est vendu depuis la Chine. Ou alors, on ne le sait pas. Le seul riz en plastique que vous trouvez dans ce monde, c'est celui que Kylian cuisine, évidemment. Merci. C'est bon. Ça, c'est gentil. Ça, c'est que de l'amour. Oh. Il y a des gens qui sont plus remontés que moi contre toi. Hein. Mais nom de Dieu! J'aurai votre peau, hein. Écoute là, elle fait peur un petit peu. Moi, je ne sors pas dans la rue en la croisant. Hein. Ça c'est mais clair. Mais t'imagines l'avoir comme voisine, ça doit être. Oui, mais j'ai un voisin à peu près pareil. Hein. Attends, je vais aller jusque chez toi, fermer la fenêtre parce que je crois que quand t'es parti, t'avais laissé la fenêtre de chez toi ouverte. Ah bon? Oui. Donc il vaut mieux, hein, on sait jamais. Pourquoi? Mais je ne comprends pas. Parce que chez toi, la radio reste toujours allumée et s'il nous entend, on ne sait jamais. Ah d'accord. Ok. Bien. On enchaîne. J'espère que vous passez une belle soirée. Nous sommes en direct. Kylian est très en forme. Oui. Et je vous le dis, il a eu une après-midi compliquée. Hein. Après-midi compliquée. Il a été chez le coiffeur. Chamboulé par le coiffeur. Chamboulé. Parce que j'ai dû faire tout le tour de la ville pour trouver après un coiffeur. Alors, soit il y en a un qui était fermé, il y en a un qui a été mis à vendre. Et enfin, le bâtiment est à vendre, quoi. Et il y en a un qui était complètement complet et il coupe mal. Donc. J'étais assez énervé, oui. Ah, t'étais carrément énervé. Bah oui, parce que demain j'ai un anniversaire et un anniversaire d'une personne importante. Oui, super nanny. D'accord, d'accord. Non, mais je le vois bien. Non, non, la... bah, d'un super pote, donc. Il était dans la rue en train de crier « Je cherche mon coiffeur !» En train de chanter ça. Non, mais j'ai eu un peu de chance, j'ai pu trouver quelqu'un pour aller jusqu'au coiffeur, donc un autre coiffeur encore plus loin. Faire des kilomètres, kilomètres, voilà. Faire des kilomètres pour un coiffeur, mais bon. Au moins ils sont coupés et demain je serai tranquille à l'anniversaire. D'accord, et il ne manquera plus qu'à les coiffer. Merci. Ils sont Thomas. Coiffés, pardon, ils sont coiffés. Ok, non, deuxième, je renote. Voilà, là, ça fait déjà deux. Hein. Je suis désolé, désolé. Je pensais pas que tu les avais coiffés. Je pensais bah, que je sais pas encore vraiment coiffés, mais okay. Bah, ça se trouve, là, ils sont peut-être décoiffés, oui, parce que là, il y a un ah, côté qui part pas. Un peu en sucette. Oui. D'accord. Et il me semblait que tu allais un petit peu raccourcir quand même. Il a raccourci. Okay. Derrière. Ok. Donc il a coupé derrière, il a laissé la longueur devant. Pourquoi donc, pas. Pour ceux qui veulent savoir, voilà. Ok, mais il n'y a pas de souci. Et ceux qui connaissent pas ma coiffure, bah. Pas allez sur. Le site ilrfm. Oui. Il n'y a même pas une photo de toi sur ilrfm.com. Il y avait, si, dans le 19-20h. Non, non, ça c'est quand tu parles, il y a la pochette. Oui. Il y a ta tête dans la pochette, mais comme tu parles pas là, bah c'est fini. Il n'y a plus de ta tête. Oui, mais c'est pour ça que je dis dans le 19. Ah oui, t'as raison, oui. Voilà. Ma tête a disparu. Bah merci. Bah c'est normal, c'est un petit peu mon émission maintenant. Bah 20h, 22h, c'est moi, je suis désolé. Oui, c'est vrai. Ah oui, mais qui c'est celui-là? Mais c'est Jadoul, c'est moi. Il essaye d'animer une émission et c'est pas facile, je vous le promets. Complètement gaga. Ah oui, t'as pas mis la suite. Hop, 2-2. À ce moment-là, on le diffuse, sinon. Hein. Il faut faire un choix. Soit on écoute les musiques en entier, soit on fait des samplers. Hein. Il faut décider. On peut pas tout faire dans cette émission. Alien, tu connais? Oui, je connais. Sabrina Carpenter, vous l'écoutez maintenant sur IRFM. Vous êtes dans le 20h-22h qui ne vous lâchera jamais. Enfin, du moins, tant qu'on est là. This feeling so alien. Qu'est-ce que c'est? Jadoul, 20h-22h sur IRFM. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur LRFM. Nous sommes dans l'émission Le Libre Antenne qui vous donne accès à l'émission tout simplement via les réseaux sociaux ilrfm.com et le la numéro Facebook du de téléphone le plus 32 49 9 15 75. Ça voilà. S'appelle les réseaux sociaux. Donc, oui, c'est vrai, mais non, mais je dis la page Facebook, on est en live. Oui, en live. Pour ceux Facebook. Qui veulent savoir. Donc, voilà. Et évidemment, on ne voit pas nos têtes sinon. Facebook aurait striké la vidéo. Voilà. On va s'enchaîner directement avec les news de la semaine pour parler d'un truc magique. C'est une histoire de tatoueur. Mais d'abord, petite anecdote. Il faut que je vous la raconte, c'est juste magique. On était en voiture avec un des chroniqueurs de cette émission, un des membres de l'équipe qui s'appelle Corentin. Et on était tous les trois dans la voiture avec Kylian. Et... Ah bon. Corentin se ramène avec 3 paquets de chips. Ah oui. J'en prends un, il en reste 2. Et Corentin lui dit bah tiens, choisis parmi les deux. Ok, pas de soucis. Ouais, en plus elles sont pas mal et tout. Ok, il prend les 2 paquets de chips. Il fait wow, j'arrive pas à me décider. Bon. Ouais, Kylian prend les 2 paquets de chips. Il dit j'arrive pas à me décider. Il fait oh bah c'est simple. Le premier qui tombe par terre, je le mange. Il les lance en l'air. Les paquets montent à plus de 3 mètres. Et après les 2 s'écrasent. Le paquet s'écrase par terre pour rester poli. Évidemment, les chips. Oh, bravo! Premier bafouage de la soirée. Bafouillage de la soirée. Deuxième. Blanc bravo! C'est ça. Et on n'a pas bu. Oui, on n'a pas bu. Jamais d'alcool dans cette émission. Jamais. Si, si. Il y a des phrases que je dis qu'il faut qu'on dise que j'ai bu. Ça passe plus. Ça passe mieux, quoi, disons. Et donc, les chips, il en restait des confettis. Et Kylian, il fait ah ben voilà, celui-là qui s'écrase en premier, c'est celui que je dois prendre. Quoique, non, je vais prendre le deuxième. Donc, au final, il a bousillé 2 paquets pour rien. Mais je me suis dit, ça se trouve, il aime pas ceux à la bolognaise, donc je vais prendre ceux à la bolognaise. D'accord. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et qu'est-ce que tu comprends pas dans ce qu'il dit en disant je les aime tous? On ne sait jamais, je sais pas, peut-être qu'il achète au ça et que voilà. Enfin, moi j'aime pas genre me décider et qu'après la personne. Se prive. J'ai l'impression que ça gêne, tu vois. Ah. Quand t'offres un truc, mais que t'as l'impression que la personne veut justement celui que toi tu vas choisir. Bon, ça, c'est un peu. Je vois. Donc, c'est un peu le malaise. Attention! On passe aux news de la semaine, c'est parti. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, deuxième fois. C'est les news de la semaine. Et on repart dans les news de la semaine. Il faudrait peut-être qu'on fasse une version courte de ce jingle, parce que si on doit se le taper en entier à chaque fois, c'est un petit peu compliqué. Alors, Kylian, tu n'es pas au courant de cette actu? Non. Je vais essayer de te la faire deviner. Il y a une mère d'un enfant, oui, qui s'est fait tatouer le prénom de son fils sur elle. Ah bon? Et là. Bah toi aussi, non? Il y a eu. Oui, bien sûr. Je me suis fait tatouer. Il a RFM, c'est mon fils. Devine ce qui s'est passé. Il y a eu une connerie. Une infection. Une infection, non. Ils se sont trompés dans le prénom. Ah oui. À une lettre près, ouais. Le tatoueur s'est trompé. Donc au lieu de tatouer Kevin, ils ont tatoué Clevin. Oh, K-E-L-V-I-N. Sur sa peau, elle a cru s'évanouir. Alors, c'est complètement fou. On n'a pas la photo, mais il paraît que c'est dingue. Alors, comme elle n'avait jamais entendu le prénom Kelvin avant, bon, ça me rappelle une marque de slip, elle a expliqué que elle va nommer son prénom, son enfant avec ce prénom-là. Et donc, elle a changé le prénom de son fils à cause de son tatouage. Ah bah. Ça, c'est fait. Donc, c'est improbable. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'ils ont pu faire ça. C'est comme si je commandais... Tu t'appelais H-Doul. Non, oui, non. Mais c'est comme si je commandais un café au Starbucks. Je dis, c'est Jadoul. Oui, oui, ok. Il marque Abdoul. Et que je dis, oh bah, c'est pas grave, je vais me renommer à la mairie comme ça, Jadoul. Ou à l'office du tourisme, des naissances. Enfin, en parlant de ça, en parlant d'office, oui. De nouvelles, d'office. Une petite anecdote. Oh là, encore une anecdote. Encore attention, une, oui, encore c'est une. Un festival. Bon, j'étais petit. Ouf. Et bah, je me baladais avec ma mère, voilà. Et donc, tu l'es toujours, non? De petit. Non. Ok. Et donc, je me baladais, non pas sur l'avenue, mais en ville. Et je vois hôtel de ville, tu vois. Mais j'étais petit encore à ce moment-là. Hein. Oh non, je sens arriver. Oui. Alors j'ai dit, dis-moi, un jour, on pourra aller à l'hôtel là. Qu'est-ce que tu veux faire à l'hôtel de ville? Bah je sais pas, dormir. On ne dort pas dans un hôtel de ville. Ah bon? Bah non. Et puis après elle m'a expliqué, vu que j'étais petit ça passait un peu mieux, mais j'avais quand même l'air un petit peu con. J'adore, mais c'est exceptionnel. Oui, oui. Je suis fan. L'hôtel de ville quoi. Dormir à l'hôtel de ville, mais il faut le faire quand même. Ah bah tu peux. Tu peux, mais je suis pas sûr que tu rentres chez toi après. C'est ça. Oh là là. Oui, mais si t'en as encore d'autres des comme ça, bah. Ouais, bah je vais essayer de creuser un peu dans ma tête et puis on verra bien. Bah bravo Kylian, en tout cas, il n'y a qu'avec toi qu'on peut entendre ce genre d'anecdote. Merci d'être là. C'est grâce à toi qu'on peut prouver qu'il y a toujours plus des débiles que toi. Sur Terre. Allez, dans quelques instants, on va se faire l'objet du peuple et on va faire un petit débrief aussi sur le mariage royal qu'il y a eu entre qui? Meghan et le prince Harry. Harry. Évidemment, Harry habitant. Et non, Potter. Oh là là, la blague nulle. On a fait tous les deux une blague nulle là. Là, on a égalité. Il n'y a personne qui écoute personne, mais. C'est ça. Donc, on a 10 secondes pour s'excuser. Nous nous excusons pour ce passage plutôt douteux. On ne le refera pas. De même pour moi, je m'excuse vraiment au plus profond de moi. Et ça n'arrivera plus, du moins, on l'espère. Et on va tout faire pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir. Promis. Dans les temps. Voilà, et sinon la prochaine fois c'est une alerte enlèvement. Voilà. Comme ça c'est réglé, c'est clair. Les alertes en plus elles font peur, tes alertes. Bah oui, c'est affreux. Bon, j'espère qu'on n'en aura pas une parce que ça fait vite. Non, il n'y a que dans mon émission qu'on le met, tu le sais bien. Non, le seul jingle qui passe dans ton émission, tu sais c'est lequel? Bah oui, l'émission a problème technique là. Suite à un incident technique. C'est ça, c'est ton seul jingle. Allez, je ris. Qu'est-ce que gentil. T'es en train de manger là? Non. Non? J'ai les dents qui craquent. Ah, t'as les dents qui craquent? Mais non, c'est une blague. Donc t'es en train de manger? Mais oui! À l'antenne. Mais on ne le sait pas si tu le dis pas. Oui, mais moi je le vois. Mais tu le vois. Donc t'es très professionnel. Bah tu manges aussi, pourtant on ne le sait pas. Non, moi je ne mange pas à l'antenne. Je bafouille, mais c'est pas parce que j'ai la bouche pleine, c'est parce que je sais pas aligner trois mots. C'est la nuance. On vous a parlé de cette personne qui s'est rendu compte qu'il y a une faute dans le nom de son fils à cause du tatoueur et elle a changé le nom de son fils officiellement pour rattraper l'erreur du tatoueur. C'est comme dingue, ça. Comme c'est dingue, c'est juste dingue. Ouais, je ne comprends pas. Enfin, à mon avis, ça lui coûtait plus cher de faire enlever ce tatouage que de changer le nom. À mon avis, oui. C'est juste ça la différence. C'est déjà arrivé aussi qu'il y a des enfants à la maternité, ils inversent les étiquettes des prénoms. Ah oui? Alors quand on dit à la maman qui veut recevoir son fils, bien voilà votre enfant, et ben c'est pas le bon. Et c'est déjà arrivé, je vois souvent cette actualité là passer. C'est marrant qu'en 2018 ce genre de choses peut encore arriver. C'est juste dingue. Toi, on t'a inversé avec quelqu'un d'autre ou tu es le vrai Kylian? Bah ça, j'en sais rien. J'étais pas encore conscient à ce moment-là, donc je ne saurais pas te dire. Mmh. Mais Non, je pense que ça a été. Je pense que ça a été. On voit les ressemblances quand même, donc. On voit les ressemblances avec ta famille, effectivement. Voilà. Donc. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur internet, c'est aux États-Unis. Un petit garçon profite de sa demande de mariage pour faire quelque chose de kylianesque. Il a profité du moment du mariage, quand il donnait les alliances aux parents, pour uriner en plein milieu de la cérémonie. Bah, bravo, pourquoi pas. Bravo l'enfant. Et la vidéo est disponible sur internet. Il faut tout pour faire un monde, hein, qu'est-ce que tu veux. Donc il suffit de taper ça et il y a les parents qui font juste oh mon dieu, oh my god, c'est tout ce qu'ils savent dire. Puis quand c'est pressant, c'est pressant. C'est pressant. On va voilà. Pas. Tu le sais bien, toi aussi. T'es un homme aussi, donc. Donc oui. Quel est l'endroit le plus insolite où tu as déjà été faire tes besoins? Oh. Ah oui, ici, si, si. Je m'en rappelle. Ah, bon, non. J'étais pas là, sûrement. Je dois le dire en plus. Oui, tu dois le dire. Ah, merde. C'est parti, l'anecdote de Kylian, on y va. Hey, tu peux mettre un petit son comme ça donne encore bien. Tu vois, ça, on se met une petite ambiance. Ok, pas de soucis. Voilà. Voilà. Je sortais d'un zoning commercial quand tout d'un coup. Ma vessie a commencé à gonfler. Le mec il reste frais. Bah oui, je me suis arrêté. Il fait tous les hits les plus frais, il faut bien qu'il reste frais. Bah voilà, voilà. Tout est dit. Et donc je suis sorti du zoning commercial et en plein milieu de la route, c'était un jour où il neigeait, j'avais envie de faire fondre la neige et je me suis dit pourquoi pas en plein milieu de la route. Et voilà, j'ai testé. Okay. C'était bien. Mais je n'en doute pas. Mais c'est pas à refaire, quoi. J'espère qu'il y aura personne pour sonner à ma porte demain matin. Oh, ben non, il y a prescription. C'était il y a 4 ans. Oui, c'est vrai. Bon, ça va, alors c'est bon. Mais bon. C'est réglé. Et il faut savoir que, on pourrait dire, l'endroit insolite où on va aux toilettes, c'est le train. Sauf que Kylian ne veut pas aller dans les toilettes de train. Mais pourquoi? Même dans les avions, ça me. Bah, pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas. En fait, j'aime bien être. Chez toi. Oui, avoir mon confort, quoi. Même chez les gens, je n'aime pas trop. Ouais, mais bon, je veux dire, si tu dois juste uriner dans le train, bon, bah ça va, tu vas dans les toilettes du train. Enfin, tu te fais pas dessus. Tiens, et puis ça. Non, ça c'est stable. Mais tu sais, les trains depuis les années 80, ils ont évolué. Ils sont un minimum stabilisés. Il y a plus de charbon, hein. Ils ont fini avec tout ça, la vapeur, il n'y a plus. Voilà. Non, mais non, je sais pas, ça m'intéresse pas, enfin j'aime pas trop, quoi. J'aime bien avoir mon intimité et savoir qu'il y a des gens qui sont à côté de ta porte en train, limite j'ai l'impression qu'ils t'écoutent et qu'ils attendent que tu ouvres la porte pour rentrer. Bah voilà, je sais pas, je n'aime pas, quoi. Okay, toi ça te dérange pas? Non, étant donné que la porte est fermée. Les pisse partout, même sur les sièges, je m'en fous. C'est conçu pour, ça a été étudié pour de que quoi, les toilettes ou les sièges. c'est conçu pour. Non, les toilettes de train, c'est conçu pour. Donc fatalement, il n'y a aucune crainte à y aller. Oui, c'est sûr, mais bon. Ouais, chacun a ses petites habitudes, ses défauts et compagnie. On n'a pas de soucis avec ça. En tout cas, il faudra faire attention si vous croisez Kylian dans le train, comme dirait Charlie Puce. Il a des puces. Allez, voici Charlie Puce. You've been run around. Et je pense que vous êtes dans Jadoul en direct. Non. C'est les vieux rires de bistrot. Vous savez, c'est les seuls rires que vous pouvez entendre à 23h dans un bar un petit peu paumé. Ou dans 20h, 22h dans l'émission Jadoul. C'est ça. C'est un petit peu notre particularité. Bah, sans nous, comment est-ce qu'il ferait pour entendre tous ces bruits, ces cris? Et vous allez faire quoi maintenant, hein? Ouais. On vous attend, hein, nous. Hein. Venez nombreux. Effectivement. Bien, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on passe encore à une actualité. Mais il fallait que je vous raconte. Ah non, je vous l'ai déjà raconté. Non, je ne sais plus. On en est où? Où sommes-nous? Au studio. On est au studio, d'accord. Je devais vous raconter un truc à propos de Kylian, mais je m'en souviens même plus. Oh non! Alzheimer en direct, non! Bravo. Oh bah ouais, bravo. Si moi j'ai Gilles de la Tourette, toi t'as l'Alzheimer. Voilà, bah c'est pas mieux. Comme en plein milieu de la semaine, je croise quelqu'un qui me dit: ah ouais, n'oublie pas, tu dois croiser cette personne-là. Hein? Ah? Quand? Bah t'as rendez-vous avec elle vendredi. Ah d'accord. Alors je me suis là, oh merde, j'ai pas pris le rendez-vous. Mais c'est donc, qui du coup, lui? Alors du coup je lui ai envoyé un SMS en disant dis-moi, j'avais pas rendez-vous avec toi. Bah si, c'était prévu, je pensais que c'était noté. Ah oui, comment t'expliquer? C'est toujours ce moment embarrassant qu'on ne sait pas forcément gérer. Donc c'est toujours assez compliqué. Mais bon, tant qu'on y arrive, c'est le principal. C'est la fête, hein. Si vous voulez que je vous dise. Bon, on a encore une actualité. Là, ça vient de tomber. Je te laisse deviner. C'est aux États-Unis. Une femme a été arrêtée après après avoir fait quelque chose. Je te laisse deviner. Bah, c'est la femme qui s'est fait tatouer, elle a tué son tatoueur. Non, non. Elle aurait pu le tuer. Elle aurait pu le tuer. Elle aurait pu. Ça se trouve, elle l'a marié par après. Elle a été arrêtée pour. Bah, je suppose, c'est un truc débile, non? Oui, c'est vraiment bête. Je fais des bruits de bouche. je sais pas, là, tu. Non, pas tu, parce que ce serait pas débile, ça. L'ancienne paire de chaussures. Je suis perturbé parce que j'ai un gros message rouge, erreur, qui vient de s'afficher sur ma console. Et donc, je ne sais même pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez encore. Voilà, Guignolo Production est là, qui produit toujours cette émission. Nous sommes en direct. Merci beaucoup à la technique. On va les appeler dans quelques instants. Guignolo Production. Bim. Attends, je pense que j'ai encore l'écho. Guignolo Production. Bim. Petit bim qui sert à rien. C'est le petit, bim. C'est l'espèce de petit jingle qu'on n'a pas sur le cartoucheur. Donc, voilà. Scooby-Doo, bim, bim. Ok, merci. Je disais donc, une femme arrêtée après avoir envoyé 65 000 SMS à qui ? Son ex. Son ex, ah, oh, presque. Son ex-ex. Non, c'est pas son ex. Son ex d'après ex. C'est celui d'avant être un ex. Un chou-fleur. Quel rapport ? J'en sais rien. Ok, très bien. Ah non, à son rencard. Ah d'accord. À son rencard. Bah le mec il la fout à la porte, c'est bon, on s'en fiche. Donc la femme qui a dans les environs de 30 ans oui. A fait des menaces de mort et a eu envie de baigner dans le sang sa future victime qui était tout simplement son rencard. Donc imaginez un peu la femme. Je vais te crever si tu viens pas à notre rencard. C'est un alors peu... on couche. C'est vraiment ça. C'est juste le truc le plus flippant au monde. J'ai déjà eu hein, des filles comme ça qui me contactaient sur Snap ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais il les a arrêtées avant. Hein. En mode très flippante quand même. Il y en a eu une, je me souviens, c'était quand même. Hein, et t'habites où hein, et tu fais quoi dans la vie hein, et si tu veux, tu t'habites où. C'était très inquiétant. Je sais pas, je sais plus comment j'ai réagi. Je pense que j'ai juste fait ah merci, t'es gentil, salut. Toujours dans la sympathie. Alors si moi, tu nous écoutes aujourd'hui, bah là Thomas, une grande pensée à toi et voilà, il t'aime, ça. Il t'aime encore. Merci. Le mec qui fout le bazar. Le bazar pour être poli. Avec tout accent en belge. C'est bien vrai ça. Regardez, elle veut fermer. Jean-Michel est prêt? Jean-Michel, je sais pas, il faut lui demander. Ah, parce que je pense qu'il comme était, il était où, la semaine passée, il était à l'Eurovision. Oui. D'ailleurs, qui a gagné, évidemment, c'est La Poule-Poule. La Poule-Poule. La Poule-Poule. C'est Netta avec sa musique Toy. Toy. Et donc, elle représentait Israël. Israël, d'accord. Israël, c'est Israël qui a gagné. Ça ne m'étonne pas que la France n'a pas gagné, mais bon, ça, on s'y attendait tous oui, un peu, je pense. Je trouve ça quand même un petit peu lourd qu'il soit... tombé à cette place-là, je sais plus quand ils me sont tombés, mais je trouve ça un petit peu lourd quand même, quoi. Ils étaient même pas dans le classement des 10 premiers, donc ça fait quand même un peu mal. Ouais. Bon, et n'empêche, on rigole pas parce que nous les Belges, on est même pas du tout. Disqualifiés. Ça, c'est encore le pire. Oui, mais comme les Belges ont été disqualifiés, on tenait pour la France. Voilà. Mais alors la France, elle est pas terrible. Alors du coup. On tenait pour personne. On tenait pour si, personne. Moi, j'ai tenu pour Chypre. Ah, d'accord. Et s'il y a au moins mais une chanson à représenter à l'Eurovision. Qui parle au public de l'Eurovision, qui vote et qui met toujours la France en dernier lieu, c'est bien ce titre-là. Avant de nous dire adieu. Merci. Tu seras le seul à voter pour, je pense. Bah non, mais c'est juste pour les paroles, quoi. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Ah, c'est, d'accord. C'est genre, on se barre, quoi. Ouais, quitte à perdre, autant perdre avec un truc drôle. Voilà, oui, ça ouais. Mais je salue quand même la gagnante de l'Eurovision, car elle a quand même fait un délire, et tout le monde a suivi le délire, c'est ça le truc. Mm-hmm. C'est, la chanson, elle est complètement barrée, et ça a plu. Donc, comme quoi, parfois, il faut essayer des trucs complètement toqués. Bah, c'est surtout que ça crée polémique, et c'est un peu le but. C'est ça un peu qu'ils recherchent. Donc, par exemple, elle a fait la poule. Bon, il y avait un message particulier, je crois que c'était pour les femmes. Oui. Pas les femmes poules, hein, mais. Il y en a pas beaucoup hein, dans le monde. Hein. Les mères poules. Les mères poules. Non, oui, mais... non, ça, il y en a beaucoup. Non, il y a les mères cotes, mais pas les. Oh là là. Oh non. Non, mais c'est souvent les petits trucs un peu particuliers qui font que bah, qu'on retient. C'est ça. Les choses un petit peu particulières, comme les messages de Fernandelle à Kylian. On m'appelle Simplet, l'innocent du village. Rien à déclarer. Donc il y aurait peut-être moyen que on l'écoute. Tu l'as diffusé dans ton émission, je pense, Toy machin là. Oui, Toy Netta. La musique de Netta. D'accord. Ah oui, je l'ai ici. Ok. On peut laquelle au refrain? On me dit non. Ah c'est ça. Voilà. Alors je le fais au pif. Hein. Ah c'est ça, voilà. J'ai cru qu'il m'a fait un signe en disant baisse la musique, je veux parler. Et oui, en fait, mais il non, a fait. Si, j'ai voulu. Je voulais dire 20h-22h, mais bon. Okay. Après, je pensais pas que t'allais faire, du coup. C'est pas grave. Je suis attentive au geste. Attentive. Maintenant, je me féminise. Il n'y a plus aucun respect dans cette émission. Pour personne. Ah là là, quelle horreur. Et si vous avez aimé ce titre gagnant de l'Eurovision, et si vous avez voté pour, bah dénoncez-vous. Envoyez-nous un petit message. Oh, c'est sympa comme titre quand même, on aime bien. Bon, voilà, dans quelques instants, on va s'écouter encore Indochine avec Un été français, Oshi, Ta marinière et bien sûr plein d'autres titres qu'on va avoir dans sous peu. Voilà. Bonjour, bienvenue. Il a failli dire la même phrase que je dis tout le temps, je sais pas si tu l'entends tout le temps dans le 19-20h. Non. Je dis tout le, dans quelques instants on va s'écouter alors que la musique c'est la musique qui suit. Ah ok. Et j'ai le réflexe de dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le réflexe de dire on va s'écouter dans quelques instants. Oui. Enfin, entre guillemets, si c'est dans quelques instants, mais c'est. Qu'est-ce que c'est un instant? Voilà, c'est la question du jour. La question de la semaine. Ouais, voilà. Alors la question de la semaine, c'est très simple. La question de la semaine. Et qu'est-ce que c'est un instant? Selon vous, moi je pense que c'est quoi un instant? C'est allez, moins d'une... Non, qu'est-ce que ça peut être un instant? Moins d'une minute? Ou... Attends, je te laisse un instant. Ouais. Voilà, je suis là. Okay. Bah si, ça peut être, ouais, moins d'une minute. Ouais, ça peut être un instant. Ou, le test fait en direct. Ouais, approuvé. On est dans un bureau de scientifiques. Et ouais. Passe-moi un petit peu l'éprouvette là-bas. On va tester si c'est un instant. Tiens, tu vas y avoir. Merci. De rien. D'ailleurs, mais oh complètement là. Ailleurs. Okay. Tout va bien, hein, tout va bien. On y met les moyens. Hein, il fait un petit peu chaud, il fait un petit peu chaud. J'ai perdu 25 kilos. Alors, du coup, on a un petit peu du mal à s'enchaîner les phrases. Voilà, donc un instant, c'est la phrase qui te revient tout le temps. Oui. Malheureusement. Et ça, on ne sait rien y faire. On va peut-être mettre des spécialistes sur le coup, mais tu vas bosser durant la semaine pour réparer ça, évidemment. Bah oui, je vais aller consulter un médecin. Un médecin, carrément. 20h40 déjà ? Mais oui ! Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais Terrence, t'es où ? Oui, Terrence, t'es où ? Non, attends. T'es où ? Terrence, attends, je vais essayer de lui envoyer un petit SMS avec mon téléphone personnel, étant donné que le standard est toujours en vacances. Je vous invite à savoir s'il est disponible ou non en l'harcelant sur les messages, sur les réseaux sociaux et compagnie. Ah non, je dois recevoir un SMS de Terrence. Surtout, Thomas, ne m'appelle pas et ne m'envoie pas de messages car ça va sonner durant le spectacle. Eh ben, appelle-le. Alors, petite alerte, on va appeler Terrence Bernard maintenant en direct. Non, je respecte quand même son premier viandage sur les planches, donc je vais évidemment ne pas l'appeler. Mais il fait plein de sport, on en reparlait d'ailleurs la dernière fois, c'est du vrai sport. Oui, il en fait plein. Il fait du foot, il fait de l'escalade, je crois, ou il va se mettre à l'escalade. Oui, enfin, il fait un peu trop de choses en même temps, c'est mon avis. Oui, mais si ça peut le canaliser. C'est le médecin, là, tu vois. Notre patient, là, évidemment. Oui, c'est très bien si on peut le canaliser. Vous voyez, toute l'énergie qu'il a en étant hyperactif, il peut un petit peu, quand même, le guider dans des activités diverses. Stéphane Bern. Non, Stéphane Bern, c'est plutôt comme ça, Stéphane Bern. Non, je n'arrive pas du tout à l'imiter. Au niveau imitation, la seule chose que je sais faire, c'est François Hollande. Et encore, François Hollande qui a pris une pelle dans la tronche. Effectivement. Le mariage que Kylian va nous débriefer dans quelques instants, c'est vers 21h sur LRFM, on a encore le temps de le voir venir. Mais surtout, là maintenant, c'est l'objet du peuple. Vous savez ce que c'est l'objet du peuple? Eh ben on vous l'explique. C'est parti. Un objet a été sélectionné et caché dans une boîte par l'équipe. Serez-vous deviné de quoi il s'agit? Ah, c'est pas sûr. C'est l'objet du peuple. C'est nouveau. De quoi? J'ai jamais entendu le « Chadoul ». Ben non, il y a toujours eu ça. Le petit... c'est toi qui l'as fait. Non, je sais. Il est dans le jingle. Je te jure, je l'ai jamais entendu. Mais non. Et non, écoute, non, c'est dans le jingle. Jadoul, oui, mais pas le Jadoul. L'impression que c'est l'objet du peuple. Ah ouais. Tu vois, il y a Jadoul. T'as changé, non? Non, j'ai pas changé. Ah, je te jure, j'étais persuadé. Ok, très bien. Vous êtes dans l'objet du peuple. Notre huissier de justice, maître Gims, arrive dans le studio. Et il a déjà fait une tache d'huile sur la feuille. Ah, d'accord, c'est bien. Voici le premier indice. J'ouvre l'enveloppe. Attention. On me voit beaucoup sur la plage. Notez-le chez vous. Comme ça, vous pouvez reconstituer la valise RTL. le fameux objet du peuple pour pouvoir ouvrir la caverne cadeau de Jadoul qu'il y a évidemment dans cette émission. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre caverne, Kylian, peux-tu nous le dire? Nous avons des bijoux, nous avons des albums CD comme dédiqué, qui est dédiqué, c'est. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Et dédicacé. Nous avons plein d'autres albums, plein d'autres cadeaux formidables. Il y a même l'album de Kungs qui est rentré là récemment. Oui. Et on a des choses sympas. Je vous le dis, on a même des compiles et tout, c'est assez sympa. On vous les envoie évidemment par la poste. On a même des piles et du Domex. Et toutes les personnes qui passent évidemment à l'antenne reçoivent un autocollant de l'émission. À coller sur le téléphone. Sur le téléphone, sur la voiture, où vous voulez, de manière à ce que ça se voit et à ce que ça se sache. Surtout que vous êtes un auditeur de l'émission. On vous remercie d'être là, c'est quand même beau cette ambiance. C'est beau, c'est magnifique. Après ce coucher de soleil. Ouais, c'est génial. Passe-moi la crème solaire. Je l'étale. Je mets ça sur la fesse droite de Jacqueline. Le tube est terminé, j'en prends un deuxième. Je fais la deuxième fesse avec le deuxième tube. Et peut-être que pour le reste du corps, on aura une palette. Et là, Jacqueline se réveille. Et se retrouve panée, car elle s'est roulée dans le sable. Non. Et tout le sable a collé à la crème solaire. Voilà. Et Thomas se rend compte que Jacqueline, c'était un mec. Il s'appelait Georges. Ok, merci. Super sympa. Ok, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on passe un petit coup de fil à Jean-Michel. Je pense que là, actuellement, il est en Angleterre. Oui. Je pense deviner où il est. Là, il n'y a aucun souci. Dès qu'il y a un buffet gratuit à volonté, il y est. Hein. Ça. Allez, c'est parti. Bon, on va voir si... On va l'appeler. S'il va répondre. Jean-Michel, est-ce que vous êtes là? Allô? Allô, Jean-Michel? Allô? Y'a pas de réseau? Ah, on vous reçoit pas vraiment bien, Jean-Michel. Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Merci beaucoup, Jean-Michel. Est-ce que vous pouvez bouger un petit peu pour nous capter un peu mieux? Merde, je comprends rien, hein. Parce que d'ailleurs... J'ai l'impression de parler à un tuba. Tuba, belle tuba, hein. Allô? Oui, allô, on s'entend allô, mieux. Ah, la liaison est meilleure. C'était mon son d'automne. Il était mal réglé, hein. Il interfère dans le téléphone, c'est ça? Oui. Alors, où êtes-vous? Alors là, je suis avec le prince Harry, hein. Vous êtes avec le prince Harry? Bah oui. Ou vous êtes plutôt à son mariage public? Non, je suis avec le prince Harry. Ah, passez-le-moi un peu. Allô? Oui, allô, prince Harry? Yes, it's me. Crédible. Ça va, le prince Harry, tout se passe bien, le mariage? Yes, fine, thanks, and you? Ça va, ça se passe bien, notre émission. Et contente de la marier? Yes, it's very sexy, my... Meghan, it's very sexy. C'est le modèle que vous avez commandé? Ouais. Repassez-moi un peu, Jean-Michel. Ok, no problem, bye. C'est quoi le prince Harry? Oh, j'ai un problème avec mon son d'antenne, hein. Oh non, ça va pas recommencer. Mais non, Jean-Michel. J'ai la voix qui branlette. Oh non. Comment vous dites? Ah, la voix qui branlette, oh, pardon. Non, on est de nouveau là. Excusez-moi. Jean-Michel, on est là. Je vous entends, aujourd'hui là. Oui, on est là. Et qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Ah, moi je vais bien, hein. Ok, ça va alors. Qu'est-ce que j'entends là derrière vous? Attends, il y a tout le monde qui me parle aussi, je comprends pas. Mais nous non plus. Qu'est-ce qu'on entend là derrière vous, Jean-Michel? J'entends pas bien. C'est la church. Ah, c'est quoi la church? C'est l'église, hein, Fieu. Ah, ok. Allez. Ok, c'est un peu. T'es un nez débile, hein. Oui, mais c'est un peu chiant ces cloches là. Pourquoi ça sonne? Bah, qu'est-ce que ça pense d'où, t'as l'église? Ouais, bah, c'est un peu. Ça fait très sonnerie de téléphone. Je vois actuellement la chapelle Saint-Georges à Windsor, hein. c'est sympa, il y a du beau temps. Bon, la journée, il en fait beau, hein, donc j'ai mis un peu de la crème solaire sur mes pieds, hein. C'est vrai que mes oignons, il faut. Faut les faire ressoler, hein. Non, vous êtes insupportable. Je ne vous supporte plus, c'est non, pas possible. Non, parce qu'avec le soleil et l'huile, ça fait une petite sauce champignon, hein. Arrêtez là, je vous sors de l'antenne, c'est terminé. Voilà, Jean-Michel est sorti de l'antenne. Kylian... il est bête. Il est complètement con. ça c'est fait. Con, un gros mot pour moi, c'est cadeau. Non, t'as dit Kungs. Oui, Kungs, l'artiste, évidemment. Voilà, vu que qu'on vous a l'album tous, en cadeau. Tout à fait, et Kungs, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. I'm gonna... Ah, j'ai envie qu'on s'écoute un titre maintenant. Ah, y a rien bah, c'est à faire. Une belle idée, parce que pour une radio, mettre des titres, je trouve ça bien. Oui, c'est sympa. On croit qu'on a un concept là. Voilà. Hein. Une on tient radio. Quelque chose. On tient quelque chose. On va le déposer ça. Attends, on va rappeler Harry, on va lui demander. D'accord, ok, très bien. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est quand même notre dernière saison dans ce studio. C'est car, vrai. Ouais. Enfin, dans ce studio, il va être complètement rénové durant l'été. Oh, merci la RFM. Oui, donc ça va être assez sympa. Et lundi, on tourne, pour ceux qui suivent TMS un petit peu, on va tourner une émission que vous connaissez sûrement qui s'appelle Ce sera tout. Alors je vous le dis, on a un invité qui nous vient de Bruxelles et attention. C'est vrai? Oui, ça va être dingue. Je n'en dis pas plus, mais c'est un chef. Alors là, je vous le dis. Moi, je suis impatient d'aller voir. Ça sortira. Je ne sais pas quand ça sortira, mais je sais qu'on le tourne ce lundi. Ça au moins c'est fait et on fera un communiqué de presse, à mon avis, sur TMS Prod pour partager l'information et vous dire quand est-ce que vous pourrez voir cette émission événement qui va franchement vous faire. Et donc c'est un artiste belge. Un artiste belge. Je n'en dis pas plus. Très connu. Très connu. Ça donne du suspense. Ça donne du suspense. Je suis. Ah oui, oui, tu sais pas encore la date de sortie alors. Non, je ne sais pas du tout quand va être diffusé ça, mais je pense que ce sera dans 2 semaines environ. Et ben voilà, alors soyez attentifs et restez bien connectés sur les réseaux sociaux. Oui, sur la page Facebook ou Twitter, Hilar FM. Tout le monde connaît ça évidemment. Oui. Les pages Facebook de notre radio, attention. Ou la page Twitter, Facebook, ce sera tout peut-être. Ouais. Non, il n'y en a pas. Non, ah bah. Il n'y en a pas. Bah, mais, suivez pas. Non. Mais bon, hein, les réseaux sociaux, oh là là, mon dieu, ils ont tellement de succès que. Je pense qu'il y a au moins 14 likes. Ouais. Énorme. Allez, on écoute tout de suite Missing Everything But the Girl. Si vous trouvez que la semaine est longue, grâce à Jadoul, vous trouverez le samedi soir très court. Tous les samedis, de 20h à 22h, vous avez la parole en direct avec Jadoul. Oh, ça faisait longtemps ce jingle, j'adore, je suis complètement fan. Si vous trouvez que la semaine est longue, vous trouverez le samedi soir très court, c'est juste génial ça. Alors, en tout cas, vous êtes dans Jadoul, c'est l'émission du samedi soir qui ne vous lâche jamais. Et sachez-le, vous êtes bien en direct dans Jadoul. Et attention, on me signale que Kylian fait une crise de Gilles de la Tourette. Je pense que les médecins l'ont neutralisé. On va essayer de lui tendre un micro. Kylian, qu'as-tu à déclarer ? Cette émission part complètement en cacahuète. Bien, il est temps de parler de l'événement de la journée, ce qui a rempli toutes les chaînes de télévision jusqu'à ce que l'on en vomisse. Voici, je n'ai rien contre eux, mais bon, il y a un moment c'était quand même un peu long. Mettez-vous dans le climat extérieur. C'est la Grande-Bretagne et c'est le mariage de qui déjà, Kylian ? Alors du prince Harry et de Meghan Markle. Voilà. Je suis juste fan de ce jingle là. Hello everybody. Pourquoi tu dis toujours ça à la fin? Parce que je fais genre que c'est le jingle. Rigole, je me sens seul. Mais non, mais, je suis désolé, mais je comprends pas le délire. Je veux bien faire un effort, mais je comprends c'est-à-dire pas. C'est à dire bonjour tout le monde. Hello oui. Everybody. Mais pourquoi s'ils se font buter? Ils se font buter. Mais entends, écoute. Ah oui. Mais on peut dire que c'est des tirs en l'air. te tire en l'air. D'accord. Yeah baby, let's go. Je vous le dis, hein, quand même, depuis que Kylian a signé son contrat avant-hier à TMS. Avec Stéphane Bern. Alors là, il s'est embourgeoisé. Hein. C'est Kylian, voilà. Bon, on va faire notre petit point sur le mariage qui a quand même monopolisé toute la télévision et la radio aujourd'hui, celui de nos deux jeunes tourtereaux. Qu'as-tu à nous dire sur ces deux amoureux-là? Comme prévu, il est presque 21h et on fait ce petit point. Oui, nous pouvons remarquer que la robe d'ailleurs de la mariée a été faite par un grand styliste français. Français. Ah. Alors, dis-moi si tu en connais deux, trois comme ça, je sais pas si tu connais. Oh oui, oui, avec tout à fait, bien sûr. Tu ne l'as pas? Non du tout. Moi non plus. Non, je rigole. Jean-Paul Gaultier, c'est un styliste? Non, c'est pas un styliste. Si, c'est un styliste, Jean-Paul Gaultier. Tu vois, je ne vois pas du tout. Donc, ça y est, ça recommence. Hein. Mais ça recommence. Mais c'est pas possible. Oh là là, mais c'est pas possible. Et on me dit que c'est trop long. Oui, c'est vrai. Allez. Donc, la créatrice de la robe est une Britannique en fait. Mais elle travaillait pour un grand groupe français qui est Givenchy. Ah ok, on a une petite interview des gens qui ont vu la personne en robe. Regardez l'autre fou là, l'autre mocheté. Voilà. Et donc celle qui a créé la robe, c'est Claire Waite. Ouf, c'est dur à dire. Claire Waite Keller. Ne t'aventure pas là-dedans. Claire Waite Keller, voilà. Ok. Donc j'ai les photos ici si ça t'intéresse. Je ne sais pas si tu veux voir ou pas. Non. Pas du tout. Alors là, je vous. Mais le tu dis... mets des robes. Je n'en ai alors rien à faire de ce mariage-là. C'est vrai. Ça m'en touche une sans remuer l'autre. Je suis un peu cru, mais je le dis. Juste parce que t'as pas été invité. Ouais, je suis vexé. Non, t'étais pas aux côtés de Georges Clooney, de Beckham, le joueur de foot. C'est juste un défilé pour que toutes les célébrités y aillent et fassent les beaux. Enfin, je suis pas vraiment fan. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Bon, c'est sûr, je suis pas du tout question mariage princier et tout ça. Moi, je m'en fiche un peu complètement. Hein. Mais je dis celui-là, enfin j'ai bien aimé quand même le style était assez bien, je le trouve. Je sais pas, t'as pas regardé du tout les images toi? Non, enfin si, je pense, je sais pas si, je suis pas sûr que c'était ça, mais. Il a regardé quand le curé s'est pendu. C'était, je pense, sur TF1, c'était à l'heure. Oui, il y avait un peu partout. Hein. C'était à l'heure du mariage, c'était comme ça à peu près. Chevauche le cheval, et d'un coup, il se jette sur la mariée qui finit par terre. Elle remoule, elle roule et elle tombe aux pieds du pape qui est là pour les bénir avec le prêtre qui va les unir pour le mariage. Soudain, Harry se rend compte qu'il a son lacet défait, il s'abaisse et là d'un coup... Le pape, pardon, non, je ris. J'ai rien dit, c'est affreux ce que j'ai dit. C'est juste dégueulasse. Un petit peu, oui. Oui, tout va bien. Vous n'avez rien entendu, évidemment. Hein. Et oyez, oyez, que s'est-il passé encore durant ce mariage? Alors, donc, le prêtre, enfin, celui qui a... Uni. Voilà, a été assez drôle. C'est sûr que l'ambiance généralement dans un mariage princier, dans tout ce qui est royal, c'est assez coincé des fesses. Et il a quand même réussi à garder un petit bras d'humour et à faire rigoler la salle. Et c'est assez extraordinaire. C'est même. Cool ça. C'est cool. C'est sympa. Une musique de supermarché quand même. Le mec il m'a trouvé une musique de supermarché. Mais non, c'est pas une musique de supermarché. Oh, ça. Oh tiens, des petits beurres. Non mais non, sérieusement, je trouve tout le décor, tout était... C'était juste sublime, sérieusement. Bon, si après, si tu veux faire un mariage pareil, je crois qu'ils ont payé... Attends, c'était combien? Je crois 30 000. Je pense qu'on n'a même pas le prix. Si. Ouais, carrément. Oui, mais c'est une somme qu'on n'aura jamais. C'est légèrement... légèrement haut. un petit prix, quoi. C'est, voilà, c'est quelque chose de tout sympa, quoi. Non, mais c'est pas une musique de supermarché, ça. Un petit peu. Chers clients, nous allons avoir dans quelques instants... Non, mais, ok, très bien, j'ai compris, je ne le remettrai plus jamais. Puis ils ont eu de la chance avec le beau temps. Oui, alors parce là. Ils ont eu aussi le beau temps, comme par chez nous, et ça leur a permis de pouvoir utiliser leur calèche. Leur parce, calèche. Que, parce qu'en fait, ils ont des styles particuliers. Kalechnikov. Je l'ai réalisé. Kalechnikov. Ouais. Non, c'est sûr, ils n'ont pas eu de problème d'attentat d'ailleurs. Ça aurait pu. Non, mais il y avait de la sécurité. Là tu passais même oui. pas avec un portefeuille. Puis c'est le roi. Mais bon, quand même. Enfin, c'est le roi, je veux dire, c'est le prince. Mais c'est le roi. C'est... Mais. Elle en a encore pour combien de temps hein. Elle a combien de temps à tirer, là, la reine Elisabeth? Trop tard, c'est Harry qui a tiré vu qu'il est tombé sur le prêt, t'as dit. Ah oui, oui, pardon. Non, c'est une fraîcheur. Mais non, c'est vrai qu'elle est assez âgée, mais elle tient le coup. Elle fait des lifting. Non, sérieusement. En plus, elle est encore fort aimée par le peuple. Donc, oui, évidemment. Hein, c'est la fameuse reine d'Angleterre qui a. La Queen. Quel âge elle a? T'as 10 secondes pour me trouver son âge. Oh merde. Allez, je ne mets même pas de chronique. En Angleterre, il y a la Queen, donc la reine. Oui, bah, The Queen. Et chez l'émission Jadoul, il y a Jadoul qui est la drague. C'était une blague, bien évidemment. Ah, j'adore. Donc, la reine Elisabeth, c'est ça hein. Là, oui, bah, c'est peut-être mieux. Ah, la vache. Elisabeth. Il est trop sympa quand même aujourd'hui. Alors, je tape. Ils sont pas là, ces cons-là aujourd'hui. Je tape. Ah. Je tape la reine Elisabeth, ça met la reine des neiges, c'est pas mal. Pourquoi pas, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, oyez, oyez. Mais. Il est encore avec son mouton, lui. Oui. J'en peux plus. Il a trouvé l'âge, enfin. Et qui? Toi? Moi? J'ai trouvé l'âge? Mais t'as trouvé l'âge? Ah oui, l'âge. Oui, bon, oui. C'est même plus que cherche. Mais non, si, mais j'ai cru que tu me... Oh putain. Elle a 101 ans. Non, et vraiment? Attends. C'est quoi la blague? Attends, il y a un problème. 101 ans, il a rien compris à sa vie. Mais attends, les cons, ils sont trop... Oh, mais ils sont trop... Mais c'est des bêtes, ceux-là. Qui? J'ai mes reines Elisabeth, ça m'a mis une autre reine, je te jure. Elisabeth 2. Attends, non, Elisabeth Boyne Lyon. Mais monte sa tête. En plus, c'est même pas elle. Mais c'est la première, ça. Oh... Elisabeth II. Parce que j'aime bien la morte à 101 ans. Oui. Je veux bien qu'on me dise, mais bon, peut-être pas morte. Ok, allez, je vais essayer de te retrouver ça dans les temps. J'en ai marre de faire le petit bruit de bouche. Elisabeth II, couronnée le 2 juin 1953 en l'abbaye de Westminster. Premier ministre Sir Winston Churchill. Sir Anthony, on s'en fout. On s'en fout clairement, oui. Voilà, alors elle a exactement. Attention! Attention! Attention! Attention. Elle est née le 21 avril 1926. Et elle a. Attention! 92 ans! 2 ans! 2 ans! 2 ans! 2 ans! Voilà, elle a 92 ans, donc. 92 ans! Quand même! C'est impressionnant! Fait pour tenir tout ce c'est comme la reine hein. Je pense qu'elle a quand même les aides médicales ouais, avec c'est elle sûr. Et oui bah oui c'est et les soins comme Charles Aznavour il va mieux d'ailleurs tu nous avais dit qu'il avait fait une chute oui il a fini cascadeur ok ça va tout va bien alors si ça s'est réglé je pense qu'on peut passer à la suite mais t'as pas pris une nouvelle de Charles Aznavour il va bien de toute façon il est à l'hôpital il est rétabli. Il a un bras en moins, mais ouais, bah, ils lui ont coupé le bras. Tu aurais pu l'appeler. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone. Hein. Allez, ce qui est sûr en tout cas, c'est que d'ici la fin de l'émission, vous allez connaître l'objet du peuple. Mais ce qui est encore plus sûr, c'est que voici tout de suite dans le Jadoul un nouvel indice pour cet objet du peuple, qui est le deuxième indice, je pense, si tout va bien. L'objet du peuple. Peuple. L'objet du peuple mérite son deuxième indice. Kylian, peux-tu nous rappeler le premier indice? On me voit beaucoup à la plage. C'est Rocky, ça? C'était Rocky, ouais. J'adore. Rocky Balboa. Le retour du King. JPP. JPP, évidemment. Ce que l'on va faire, c'est que on va vous donner le deuxième indice. Quel était le premier? Tu l'as dit? Oui. Je me suis trop concentré sur la voix en fait. On me voit beaucoup sur la plage. On me voit beaucoup sur la plage. Et attention, on va vous donner tout de suite le suivant indice si vous le voulez bien. Et non. Si mon cartoucheur le veut bien. Je veux pas. Deuxième indice. trouver la suite. Je suis un bâton que l'on plante. En partie. C'est une partie de l'objet. C'est pas tout l'objet, mais c'est une partie de l'objet. Sinon, vous allez m'envoyer un bâton par SMS au +32 49 9 15 75. Mais ce n'est pas ça. Et la réponse est... un bâton. Moi. Toi. Je suis un bâton qu'on plante. D'accord. Je suis droit comme un bâton, on me plante dans le sable. Paf. Effectivement. Voilà, comme ça vous avez les deux indices à connaître pour pouvoir reconstituer de votre côté l'objet du peuple et à gagner évidemment tous les cadeaux de la vitrine à Jadoul. Et si Kylian trouve avant... avant vous, eh ben c'est lui qui gagne rien, mais vous ne gagnez pas. Donc à vous de trouver avant lui. Et on notera l'heure à laquelle il a trouvé, on notera évidemment l'heure à laquelle le message gagnant a été envoyé. Et c'est pas sûr qu'il trouve de toute façon, parce qu'il trouve une fois sur deux. Donc oui, voilà. Donc c'est pas. C'est je réfléchis. Mais c'est parce que c'est pas très simple. C'est pas très simple. Je vous rappellerai dans. Avant la fin de l'émission, si j'ai la réponse. Voilà, c'est bonne ça. Soirée à tous. Salut, à demain. Ciao. C'est vraiment ça. Alors, je sais pas si tu la connais. Elle s'appelle. Ah mince, j'ai plus le nom sous le. Isabelle Morini-Bosque. Rien à voir. C'est mince. J'ai plus son nom. Et tu trouves ça bien? Non, c'est pas bien. Mais pourquoi? J'ai vraiment perdu le titre que je devais lancer. Elle ressemble à quoi, la dame? Elle ressemble à une femme. Oui, ça, j'espère bien pour elle, parce que si la dame ressemble à un homme, c'est sa vie après tout, mais. Oh, c'est son problème. Voilà, c'est son problème. Je vais retrouver le titre, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est la magie du direct, on est là pour ça, de toute façon, on n'est pas un bricolage prêt, j'ai envie de dire, voilà. C'est un petit peu notre boulot, on est là pour ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En fait, j'essaie de retrouver le titre de Oshi, ta marinière. Et ben voilà. Oui, mais je l'ai complètement perdu. J'étais censé l'avoir sous la main, mais on me l'a perdu complètement. Je ne le trouve pas du tout. Mais c'est quoi cette blague? Je pense que je n'ai même plus accès à la moitié de mes trucs. C'est pas grave. C'est la magie de Hilar FM avec sa technique toujours au point. Ah là là, je pense que vous pouvez rire si vous voulez. Oh mince, j'ai perdu le capuchon de mon mic. Ça nécessitait une intervention à l'antenne? Oui. Ok. Très bien. Ça s'appelle du comblage, Thomas. Ça s'appelle du comblage. Et je t'en remercie. Voici tout de suite ceux que vous connaissez évidemment grâce à notre émission parce qu'on les diffuse en boucle. Indochine en était français. C'est Hortube qui cartonne en ce moment, qui est sorti le 9 septembre 2017 en direct dans Jadoul. Voici Indochine en était français. Merci d'être là. Il est 21h10. Belle soirée à notre écoute. En tout cas, je peux vous dire que officiellement, j'ai adapté la coupe de cheveux du casque. Donc, c'est-à-dire que je suis sorti de la douche il y a à peine 1h30 et mes cheveux étaient encore un peu humides quand j'ai mis mon casque et ils ont pas eu le temps de sécher quand je suis arrivé au studio. Et donc, le casque a fait en sorte qu'ils se sont coiffés de la même manière que le casque me coupe les cheveux. Donc, c'est magnifique, je vous le dis. C'est assez sympa. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook et l'Instagram qui est très alimenté par notre community manager Kylian. Et ouais, maintenant qu'il est. Ouais, vous allez faire quoi maintenant? Rocky, il veut pas nous quitter ce soir. Hein. Non, il est bien. Il est bien là. Voilà, bon, je pense qu'on a tous les ingrédients nécessaires à vous faire vivre une belle émission. On a un animateur qui sait pas placer deux mots à la suite de l'autre. Ça, c'est fait. On a un membre de l'équipe qui est sur son téléphone, Baudan, que je discute. Enfin, il est sur plutôt Instagram. Et donc, on est bon en termes de contenu. Et tout est bon dans le cochon. Et donc, tout est bon dans Kylian. Donc, je vous invite à avoir une deuxième news de la semaine. C'est simple. Je te propose qu'on la fasse juste après le jeu des 5 mots. Tu es chaud? Oui. Est-ce que cette fois-ci, tu peux me faire faire les 5 mots? Oui, bien sûr. Ah. C'était l'idée. Ah bah, c'est une belle idée alors. Alors, ça va. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. C'est parti, on peut y aller, Kylian, 30 secondes? Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui. Je suis quelque chose qui se colle. Un autocollant. Bonne réponse. Oh. On m'utilise pour les blessures. Un pansement. Un pansement, bonne réponse. On m'utilise surtout pour désinfecter. Du désinfectant. Presque. De l'alcool dénaturé. Oui, de l'alcool à 92. Oui, c'est bon. On va dire que c'est bon. Ah. Suivant objet, je suis quelque chose de métallique que l'on retrouve dans les magasins. Une fourchette? Non. Une cuillère? Non. Un couteau? Non. Des couverts? Une pelle? Un caddie. Qu'on me trouve dans les magasins. Ouais. À l'extérieur. Ou à l'extérieur, oui. Sur les parkings. Les parkings des magasins. Oh, ça aurait été trop simple. Ouais, bah, dans le magasin, moi je cherche après un truc dans le magasin. Il me reste un mot. Il y a des caddies dans le magasin. On le fait, le oui, un vas-y. Mot qui reste. Allez. C'est parti. Je sais pas où ma fiche. Bleu. Voyelle. Consonne. Matus. Mais bing. Ah, ok. Alors, voilà. Je suis utilisé. Non. Je n'ai pas gagné de temps. Je gagnais juste du temps pour retrouver ma fiche si tu le veux bien. Je suis quelque chose qui est utilisé dans les bureaux. Non. C'est fluo ? Ce n'est pas un préservatif. Utilisé dans les bureaux, un bic ? Dans un bureau, non. Un PC ? Non. Un caddie ? Non. un bureau ? Non. Un clavier ? Non. Christian clavier ? Non. Oh non. Mouchoir. Une photocopieuse. Oh oui, il faut le trouver. Mais c'est bien. Oh. Oui, c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà, comme ça, c'est fait. Voilà, on peut passer maintenant à une actualité un petit peu plus papesque. Étant donné qu'on va parler du pape. Et qu'a fait le pape ? Il a le paprika. Ok. Non, le pape a fait quelque chose, ou du moins, il a mis en vente quelque chose. Peux-tu me dire quoi ? Son chapeau, qui a un prénom. Attends, ça. Jean-Pierre Foucault. Son slip. Attention, tu as 40 secondes pour me dire qu'est-ce que le pape a trouvé. Des hémorroïdes. Oh non. Pourquoi il faut toujours que ça finisse comme ça? Je suis désolé, ça fait 5 euros. Oh, Kylian, on se moque pas du pape. Je suis désolé, on touche à tout le monde sauf au pape. Je suis pas forcément plus croyant que ça, mais on n'y touche pas. On y touche. D'accord. Alors, je te propose de découvrir qu'est-ce qu'il a mis en vente. C'est bien simple. Il était fan de rock. Et bah, c'est peut-être un truc de rock. Ah, qu'est-ce que tu proposes en rapport avec le rock? Mais je sais plus quel groupe il écoutait. Étant donné qu'il était videur de boîte de nuit, c'est ça? Bah non, ça, j'en sais rien. C'est vrai. Le pape était videur de boîte il de nuit. Il a eu un métier avant d'être pape. Videur de boîte de nuit ? Oh, ben il était dans le milieu de la nuit, quoi, oui. Mais il me regarde comme si je lui apprenais un truc. Bah, tu m'apprends. Ok, très bien. Voilà, comme ça vous savez, vous pouvez taper Café de le pape avant d'être pape. Et vous trouvez ça, évidemment. Il était videur chez les people. Village people ? Non ? Et oui, c'est ça que je le dis, mais. Ok. Ça me. Bien. Surprend. Donc au final, le pape a vendu aux enchères une Lamborghini. Sa Lamborghini. Lamborghini. Oh la vache. Le pape a une Lamborghini. Oui, une petite voiture de luxe, hein, évidemment. Oh, oui. Alors, s'il te plaît. Du coup, c'était une voiture évidemment qu'il n'a jamais achetée, évidemment, étant donné que c'est Lamborghini qui lui a offert. Voilà, il l'a volée. Elle a été offerte au pape. Et tout simplement parce que c'est une marque italienne. Et où se trouve le couvent? Le couvent. Le curé? La papa maison? La papa mobile. La casa du pape? Elle se trouve. Attention, mesdames et messieurs. Oui. Dans l'Opiaire d'Orient. Bien. Ça se trouve au Vatican, oui, évidemment. Vatican, je sais. D'ailleurs, tu sais que si tu as une pièce du Vatican. Tu la payes extrêmement cher. Hein. Une pièce ? Une bête pièce. C'est pas une bête pièce, mais le Vatican a créé des pièces. Et si tu en as une, j'aime autant te dire que. Et quoi, c'est un système d'hôtel alors ? Un système d'hôtel. Des pièces, de l'argent. Ah, ok. Money, hein. Là, sur des pièces, des chambres, quoi. Des endroits, des showrooms. Non, après ce qui se passe dans le truc, ça ne nous regarde pas. Mais. une pièce de monnaie. Okay. Le Vatican avait créé ses propres pièces de monnaie et voilà, ça. Très bien, pas de souci. Ça coûte extrêmement cher, quoi. Je n'en doute pas à croire ce qui se passe là-bas. Donc la Lamborghini a été offerte au pape, mais il l'a revendue. Et là, je te laisse deviner la somme. C'est un petit peu le juste prix ici. Oh. Je te laisse trouver. C'est un montant à 6 chiffres. Ouais. Ça à 6 chiffres. Oui, 200. Non. 200 000 de, non, plus. Largement, oui. Ah oui, bah oui, je suis con. 850 000. Un peu moins. 838 000. Moins. 750. Un peu moins, un poil moins. Encore moins. Ouais. 744 000. 45. Redescend, si. Redescend. 728 000. Non, 715 000 euros pour la Lamborghini du pape. Il l'a revendu le double de son prix. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fait de l'argent? Il a acheté une nouvelle Lamborghini. Car il s'était déjà fait offrir dans le passé une Harley Davidson qu'il avait également mise aux enchères. Et c'est pour des œuvres caritatives qu'il a vendu encore cet objet qu'on lui a offert. Donc bravo le pape, j'ai envie de dire. Et il reste quand même un brave homme malgré tout ça. Tu trouves ce que je t'ai dit? Oui. C'est ça que tu cherchais? Non? Ah, je pensais que tu étais en train de chercher s'il était vraiment videur en boîte de nuit. Ah non, non, oui, j'ai cherché, oui, mais j'étais en train de répondre à des auditeurs. Ok, pas de soucis. Fais-toi plaisir et lis-nous un petit peu les commentaires qui arrivent. J'en vois un de Sarah qui nous dit: coucou les gars, bonne soirée. Bah, bonne soirée à toi, merci. Bah, j'avais exactement le même message, mais avec une autre personne. Ah, ok. D'accord. Bah, pas le même style, quoi. Ouais, le même style. Bah, de toute façon, c'est toujours un peu le même style, mais donne-moi juste le prénom de la personne qui a envoyé le message, si elle l'a laissé dans le message. Ilona. Ilona. Ilona, d'accord. C'est un prénom? Oui, c'est un prénom, ah, oui. Bah, bonjour et bonsoir à toutes les Ilona qui nous écoutent. J'ai jamais réussi à le dire. Hein. C'est impossible pour moi. Je ne peux pas aligner trois mots ce soir, je vous le dis, c'est une catastrophe. J'ai eu une de ces journées. Oh mon Dieu, maman, c'était une horreur. Oui, bah, me parle pas de journée, moi j'en ai une aussi. Ah non, mais la journée pourrie, quoi. Au bureau, rien n'allait. J'ai été m'acheter des chaussures, j'ai rien trouvé. Les vendeurs étaient désagréables. Oh, rien. T'as cherché des chaussures? Ouais, je voulais aller m'acheter des chaussures. Mais j'ai rien. Enfin, où dans un centre commercial. Donc voilà. Un grand? Bah, il y en a partout des grands. Oui, je sais, oui, non, mais ok, non, je pense voir où. Oui, oui. D'accord. Très bien. Pour pas qu'on nous repère dans la rue et qu'on vienne nous faire des dédicaces. Ça ne risque pas d'arriver. Non. Je te rassure. Se moquer de nous, oui, mais pas. Non, il y a des gens qui sont bien chargés de se moquer de nous au quotidien. Oui. Je les aime beaucoup. Ce que je vous propose de faire, c'est que dans quelques instants, on s'enchaîne avec le dernier indice de l'objet du peuple que vous allez avoir dans cette émission. Et je devais vous dire que l'émission en public que l'on devait faire, je ne sais plus quand, on devait la faire. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de me faire mal aux oreilles avec le son. Oh, pardon. Ça m'a surpris, quoi. Non, mais l'émission qu'on devait faire à l'extérieur du studio, juste devant la radio. On va se faire chez un ORL. Non, on va se faire en ambiance plage, en ambiance fête. Mais en fait, on a eu des petits problèmes avec la technique de IRFM, étant donné qu'on voulait le faire ce samedi, mais comme ils ont besoin de beaucoup de matériel pour l'émission qui arrive lundi, parce qu'on est dans le groupe TMS Prod, on nous a dit, bah, vous pouvez le faire, mais ce serait sympa pour les techniciens de faire ça peut-être le samedi prochain. Moi, je dis, ok, ça nous arrange, car il fera un peu plus chaud, et il n'y a rien de mal à ça. Voilà. Cette musique me fait directement penser à Jean-Michel, je sais pas pourquoi. Tiens, il a réussi à sortir du mariage ou à y rester, je ne sais pas. Est-ce que la sécurité l'a grillé? C'est surtout ce que je me demande. Tiens, on pourrait peut-être essayer de l'appeler en direct pour prendre de ses nouvelles pour la dernière fois dans cette émission. Jean-Michel, allô? Allô? Oh, vous êtes là! Je vous adore! Eh oui! Dites-moi, ça se passe toujours bien? Vous avez toujours accès à volonté? Bon, oui, je suis avec Harry toujours, donc j'ai droit à voir ce que je veux, hein. Et ça fait quoi, quand même, de voir un buffet sans alcool? On s'en fait mal. Ne pleurez pas, Jean-Michel. Non, Jean-Michel, arrêtez. Je ne tolère pas ça à l'antenne, non. C'est fini, oui. Non, mais c'est pas une bière, hein. Ah bah, ils ont pas beaucoup de bière là-bas, vous savez. Bah, mais j'en ai fait apporter, hein, mais je les ai déjà toutes bues. Oh non, mais j'aurais bien aimé vous en envoyer, mais le temps qu'elles arrivent... Faites quand même, on ne sait jamais. Hein. Vous revenez quand en Belgique? Oh bah, le plus vite possible, j'ai soif, je m'en sèche. Oh mon pauvre Jean-Michel, ça va aller. J'ai mal aux reins. Aux reins, carrément. Oh oui, je dois les hydrater, mais sans bière, ça n'y va pas. Oh, j'ai de la peine pour vous, en tout cas. Néni un fieu. Je suis complètement fan. Bah, merci en tout cas, Jean-Michel, de nous avoir donné des nouvelles. T'as arrêté de pleurer. Merci. On dirait à la foire du trône quand t'as des gens sur les manèges. C'est vraiment ça. Bah, merci Jean-Michel, on vous sort de l'antenne. Voilà. On vous remercie pour votre bref passage et votre investissement dans cette émission. Et votre fidélité. Votre fidélité. Non, c'est les téléspectateurs. Non, les. Faut pas bosser dans deux médias en même temps parce qu'on s'embrouille, on s'en mêle les pinceaux. On embrasse évidemment les chroniqueurs à la place d'auditeurs. Ouais, les auditeurs de nous écouter toujours de plus en plus nombreux et c'est grâce à eux qu'on peut avancer et toujours toucher plus de monde. D'ailleurs, si vous nous écoutez dans la voiture, appelez-nous directement +32 49 9 15 75. On aime bien savoir toujours tous ceux qui nous écoutent en FM sur le 106.9 du côté de la région d'Arlon. Oui. Et c'est toujours assez sympa d'avoir des retours des gens qui nous écoutent justement dans leur poste, dans leur radio. Bah oui. Ah, j'écoutais quelque chose à me dire. Ah non, j'écoutais. Okay, pas de soucis, très bien. Parce que t'étais sur ton téléphone et tu m'as regardé, genre de dire j'ai un truc à dire. Non, pas du tout. Ça va. Non, parce que je suis habitué au regard de Kylian complètement vide qui fait il me reste quoi dans le frigo ce soir. Bah justement, si t'es habitué. Ouais, mais non, mais c'était un autre regard là que t'avais. Donc je n'y étais pas forcément habitué. Bon, je sais pas pourquoi j'ai chanté là. Habitué. Habitué. Non, yeah. Attends, vas-y, mets l'écho. L'écho ou ouais. Enfin, le truc qui. Ah ouais, attends, je l'ai. Habitué, bitué, habitué, bitué, habitué, habitué, habitué. Enlève ça, ça devient malsain. Complètement flippant. Bien, merci Kylian en tout cas pour ce grand moment de radio. Il se fout de moi en plus. Non, mais je te soutiens. Soutiens. Comme je peux, mais je te soutiens. Gorge. C'est plutôt pas mal. Soutiens, gorge, je n'en peux plus. Quelqu'un peut venir chercher cette personne là, s'il vous plaît. Il paraît qu'il y a des gens alcoolisés dans cette radio. Alors ça, je ne sais pas, mais c'est Marouv et Bossin qui nous l'ont dit avec Drunk Groove, qui veut dire en français évidemment Kylian. J'ai pas suivi. Je t'ai mais dit. Mais t'as dit groove, mais quoi groove? Drunk Groove. Ah. Ça veut dire drunk, c'est boire, groove. Le rythme alcoolisé. Oui, bah c'est toi. Vous êtes en direct dans Jadoul jusqu'à 22h. Jean-Michel. Sauvez-moi. Jadoul, 20h, 22h, sur Hilar FM. On est toujours là en direct avec vous et je peux vous dire que là il y a une actualité qui va forcément coller avec un truc qu'il m'est arrivé récemment dans cette semaine. C'est juste exceptionnel que l'actu tombe en même temps que ça. Au Japon, un train démarre 25 secondes plus tôt et la compagnie ferroviaire parle d'un un inexcusable désagrément carrément. Donc 25 secondes plus tôt, oh, on s'excuse, c'est impardonnable. Non, c'est voilà, c'est comme ça qu'il résonne. C'est particulier, mais je dois dire non, que bizarre. Je suis d'accord avec eux, c'est impardonnable, car la SNCB a démarré le train que je prends tous les matins une minute plus tôt, ce qui a fait que je me suis retrouvé sur le quai avec la porte qui se ferme juste sous mon nez. Donc là, je l'avais un oui, petit mais peu... dis aux auditeurs ce que tu as dit au contrôleur qui était là. Ah oui, non, il y avait, non, c'était pas le contrôleur, c'était les, ah oui, c'est les techniciens de oui. La SNCB, les gilets jaunes là, qui étaient là sur le quai. Et alors, Pôle emploi. Ils étaient là, ils font ah, oh, vous ne l'aurez pas votre train. Et alors, moi je dis bah si, j'ai l'habitude. Alors, je cours après le train et il n'est pas eu. Mais sinon, oui. Dans la semaine, il y a quand même eu, je prends le train avec Kylian et on a eu le droit aux pions, que je les ai appelés comme ça, je sais pas pourquoi. C'est les pions verts et les pions rouges. Oui. Et c'était pour les grèves qu'il y a eu en Belgique, à Bruxelles, je ne sais plus trop quand. Et il y avait plein de pions rouges et plein de pions verts. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas trouver de place assise dans le train, étant donné qu'ils étaient 643 voilà, pour un train de 20 places. Et j'ai dû finir portier. Voilà, il a fini portier, il a tenu la porte à environ 250 pions verts et rouges. Donc ils étaient tous là. Ah oh, merci bien, il y a encore des gens polis dans ce pays, hein, merci. Hein. Bon, c'est bien gentil ça. Ouais, c'est vraiment ça. Ils sont polis et nous aussi, donc c'est l'essentiel. En tout cas, on n'a pas eu à se plaindre, ils ont été gentils. Ils sont arrivés près de Kylian. Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà? Je sais plus trop. Oui, à un moment en fait, donc j'étais. On a pris. Ça s'appelle comment les petits compartiments là Ah, les classes où il n'y a que 4 sièges là. Oui. Oh, c'est pas... le cul du train quoi, ce fait. Ouais, voilà, enfin c'est le cul du train. Le mec le plus frais. Et donc, oui, les petits compartiments à 4 places. Et ils sont arrivés en groupe. Et normalement, tu étais censé te mettre en face de moi. Sauf que malheureusement, Il y a un groupe de 6 personnes, je crois qu'ils étaient. Je pense que c'était des rouges en plus. Attends, il y a, on y a fait un feu d'artifice devant la radio. Bien. Mais c'est génial! En plein jour! Ça, c'est un peu moins génial, mais. Mais c'est génial! Bon, attends, je termine ma phrase et je vais vite voir. Et donc, donc on était dans un compartiment à 4 personnes, enfin à 4 places. Thomas était censé être en face de moi. Il y a un groupe de pions de toutes les couleurs, enfin rouge et vert, qui sont passés. Je crois que c'était les verts qui étaient là. Et. Ah oui, ils étaient là, il les a même tous finis, les verts. Sans se vrai. Non, et donc, ils ont dit, il y a des gens là. Je fais, non, il y a juste quelqu'un en face de moi, mais ils font. D'accord, bon bah c'est bon, alors on est 6. On déplace les sacs et voilà, hop là, c'est parti. Donc d'abord ils sont tous assis après toutes les places, voilà, j'ai dû bouger tous les sacs. Et au final, vu que Thomas ne venait pas, Jadoul ne venait pas, et ben ils ont dit bah t'as qu'à t'asseoir là, de toute façon pour l'instant il est pas là. Il viendra plus tard. Du coup j'étais coincé entre tous des petits pions verts et je savais pas où me mettre, mais par chance ils ont été voir un peu plus loin. Ils ont fait, il y a encore des trucs par là, je fais oui, vous pouvez y aller, et ils sont partis. On a des news concernant le feu d'artifice que l'on vient d'entendre. En réalité, il s'agit d'une fusillade. Bon, je plaisante. Kylian est actuellement la tête par la fenêtre du studio. Car oui, cette saison, on a encore une fenêtre, mais elle sera condamnée dès la saison prochaine. Donc, profite de cette fenêtre. Mais il s'agit d'une fusillade colorée. Colorée, donc ça va. Il y a vraiment un feu d'artifice ? Tu ne vois rien ? D'accord. Bah oui, en même temps, s'ils en tirent plus, c'est pas compliqué. Bon, tu peux revenir à ton poste et voilà. Si vous aussi vous avez déjà été confronté au problème de la SNCB et compagnie, dites-le nous. Et on devait vous tenir au courant de l'évolution de mon amende que j'ai reçue à la SNCB. Je vous en avais déjà parlé. C'était une amende que j'ai reçue à cause d'un abonnement qui était expiré et qui n'a jamais manifesté son expiration. J'ai pris le train au matin, à midi et au final, au soir, ils m'ont dit « Oui, mais votre abonnement, il est plus valable. » Depuis quand ? Depuis 3 jours, hein. Je me suis fait contrôler, mais j'ai le même problème que toi, en fait. Ouais, sauf que j'ai toujours pas... J'ai rien reçu encore dans ma boîte aux lettres. Ah, tu reçois rien dans ta boîte aux lettres ? Mais tu reçois ça où, là ? T'as eu un ticket. La dame qui a fait le constat t'a donné un ticket. Oui. Tu vas avec ce ticket-là au guichet et tu payes ton amende. Et si tu le fais pas, là ils Mais non, ils m'ont donné une adresse. Une adresse Ils m'ont demandé mon adresse. Carrément ? Je te jure, ils m'ont dit. Au guichet ou dans le train ? Au guichet. Ah, mais t'as été au guichet avec ton ticket. Oui, mais la dame a fait un papier. La dame a fait un papier. Elle m'a donné le papier et j'ai dû le compléter. Et pour dire que, en gros, qu'on m'a pas demandé dans le train si je voulais payer directement à la place de. Ah, une réclamation ? Voilà, et j'ai une réclamation. Mais elle m'a donné aussi un petit ticket. Oui, bah moi aussi. Moi aussi, mais j'ai pas fait la réclamation. Mais j'ai jamais. Mais moi, j'ai fait la réclamation, donc la dame l'a envoyé. Oui. Et moi, le monsieur, il était là. Mais alors, le monsieur le plus désagréable au monde. Alors, il est derrière sa vitre, hein, il faut le savoir. Alors, on l'entend comme si on était dans un espèce de vieux caisson. Donc, il est là. Moi, j'arrive, je vais au guichet. Bonjour, monsieur. Dites-moi, voilà, j'ai reçu une amende pour quelque chose de pas très. Non, j'ai juste dit. Voilà, je n'avais pas mon abonnement dans le train. Enfin, je l'avais, mais il était périmé. Et comme il était quand même à jour, et je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai renouvelé aujourd'hui, et ils m'ont quand même compté qu'il n'était pas activé. Est-ce que vous savez m'annuler ce constat, quoi ? Alors, le type derrière sa vitre, on comprend rien à ce qu'il dit. Il dit Non, ça n'ira pas. Il y a un petit souci. L'abonnement, il passe pas, là. Ça fera une petite amende. Ah, et combien l'amende ? Pas grand chose, hein, évidemment, ce sera juste 85 euros. Ah, d'accord, monsieur, merci. Sauf que je ne mérite en aucun cas cette amende, étant donné que je ne suis pas responsable de ça. Ah, monsieur, ça c'est votre problème. Si vous avez une réclamation à faire, sncb.be. Hein. Ok, très bien, merci, monsieur. Donc voilà, et ça me rappelle quand même une anecdote dans cette émission. C'était en octobre, je pense. On appelait pour un des membres de l'équipe, la SNCB, qui avait un abonnement de couleur rose, et ça le choquait. Alors du coup, on a appelé la SNCB avec mon téléphone portable. Et le mauvais prénom. Et on a dit, oui, et quel est votre nom ? Alors je dis le nom, là, Kurt Cobain. Et donc, le type fait, ah non, hein, du tout. Hein. Moi, j'ai marqué Thomas Jadoul sur mon écran avec votre numéro de téléphone, ce serait pas une blague, monsieur. On est sérieux, c'est juste qu'on téléphone avec mon téléphone, c'est ça, oui, c'est ça. Et le fameux Kurt Cobain, il est dans la pièce. Bah oui, je vais vous le passer. Allô, oui, c'est qui à l'appareil? Et il dit, ouais, c'est ça. Et donc voilà, vous pouvez toujours avoir ça en podcast évidemment sur ilarfm.com. Bien, ceci étant dit. On peut rappeler également qu'il y a iTunes Podcast pour nous écouter. Oui. C'est toujours sympa ça. Toujours sympa. Et toujours la patate. Toujours vivant, rassurez-vous. Ah là là, cette chanson, je pense que c'est la chanson la plus déprimante de tout le répertoire IRFM. Je suis désolé, Renaud, je n'accroche pas. Je sais pas si toi t'aimes bien Renaud. Bof. Bah disons que c'est un peu. Je veux pas dire lent, mais j'aime pas trop le style. Le style vieux routier sympa. Voilà. Tout comme Arnaud, j'aime pas trop non plus. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré. Le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés. Je suis désolé, je suis pas fan. Il y en a qui sont fans et qui ont un culte énorme pour Renaud, mais moi je suis désolé, ça passe pas. Et donc tu disais Arnaud, c'est qui? Arnaud, c'est un artiste belge qui, enfin moi je les confonds toujours parce que j'ai l'impression qu'ils ont le même style. Et lui en fait c'est un chanteur qui bégaye de base et quand il parle tu entends pas qu'il bégaye. Ah ok. Mais c'est aussi un problème, enfin il a aussi des problèmes d'alcool. Ok. Mais vraiment fort et ça commence à se voir de plus en plus maintenant donc. Très bien. Donc voilà. Ok, alors IRFM s'intéresse évidemment à vos vacances étant donné qu'on approche évidemment de la fin de saison et qu'il nous reste plus que je pense 6 émissions avant que ce soit la fin et que ce soit le rideau fini, on ferme la boutique. Oh non! Oh non! Oh non! Non! Oh mec! Monique, rien à voir. Donc on aimerait bien savoir ce que vous allez faire de vos vacances. Afin de savoir si IRFM peut vous accompagner de la meilleure façon afin de pouvoir vous faire passer tous les best-of de l'émission qu'il y aura durant tout le mois de juillet sur IRFM de manière à ce que ça vous touche pour les vacances. En parlant de Monique, oui, parce que maintenant que j'y pense, en fait Monique ça a été ma gardienne. Lorsque j'étais en gardienne et donc et son mari s'appelait Nikki. Du coup ça donne bien je trouve. Monique, oui Nikki. Ça donne bien. Ouais c'est sympa, c'est marrant quand même. Ouais c'est vraiment la famille trop sympa. Et je leur mets un grand bonjour s'il m'écoute. D'accord. Mais, eh vu ben... mais vu qu'il m'écoute. On a tous compris. Je pense que on ne peut pas leur faire une meilleure dédicace que dire que tu as été un de leurs sale gosse. Sale gosse. C'est ça. Parce que déjà quand il était petit, faut pas demander. Kylian c'était déjà un grand plaisantin. Il allumait leur radio, il mettait. Et donc il avait rien en stock. Donc pardon, je suis désolé. C'était le coup de pelle du jour. On s'y fait. Oh non, c'est marrant, c'est bon. J'ai rien dit moi. Regardez une moche, regardez une babette. C'est pas moi. Hein. Regardez l'autre fou là. Regardez l'autre fou, l'autre mocheté. Regardez l'autre fou là, l'autre mocheté. J'adore. Voilà, je pense que tout est dit. Mais en parlant de mode petit, si vous voulez, je vais mettre une photo sur la page Instagram. Ah oui, quand même. Oh, oui, oui, oui, oui. Mais tu mettrais une photo de toi aussi, petit? Non. Si. Ah non. Ah si. Ah ça, je ne mets pas. Ah si. Ça, je ne mets pas. Pourquoi? Peut-être dans 10 ans, mais pour l'instant, je ne mettrai pas. Dans 10 ans? Dans 10 ans, je pourrais peut-être publier une photo si l'envie me vient, mais là, maintenant. Mais t'as fait les cheveux rasés en plus. Oui, mais je n'ai pas envie. Comme une boulette. Comme une boulette. C'est ce qu'elle te dit, la boulette. C'est que. Ce soir. En direct, Kylian Welfring va publier une photo de lui jeune. Oh yeah. Âme sensible s'abstenir. Vous allez voir les progrès de la chirurgie esthétique. Comment a-t-il fait pour devenir la personne qu'il est maintenant? Comment a-t-il fait pour renverser à l'instant son fantasme sur mes genoux? Kylian rentre dans l'arène de Instagram. Comment va-t-il? Tiens. Tu te bats contre qui? Contre moi. Contre moi. Il se donne vraiment des coups contre le torse. Il est comme ça. Contre moi. En plus, tu fais mal. Il a crevé un aplomb, ma mère. Un sale type. Merci pour ma poupine. Allez, ça c'est fait. Donc, affaire à suivre sur l'Instagram d'IRFM. C'est quoi l'arrobase d'Instagram IRFM? Alors, l'arrobase IRFM. C'est tout, non? Oui, c'est ça. Mais c'était important de le préciser. On ne sait jamais. Des nouvelles de Terence Bernard, Kylian? Y a-t-il un message de lui au standard? Oui. Ah. Et moi, de mon côté, j'ai non, ça finit à 22h finalement. Je suis toujours au spectacle. Bien, on te remercie de ta fidélité. Voilà, c'est ça. Et ta ponctualité. Tout de suite, on va faire tourner la roue du salaire de Terence qui va s'arrêter sur. Elle tourne. Ça commence à ralentir. Et attention, 3, 2, 1, il gagne 0 euros. Bon, ça c'est fait, il passera à la compta demain. bien, évidemment, ce salaire est applicable à tous les chroniqueurs du jour. Bon, absent. Absent. Belle précision, Kylian. Merci. Bien rattrapé. Petite partie de ping-pong, si tu veux. Donc, dans quelques instants, on va avoir évidemment le titre que j'ai tant voulu entendre dans cette émission ce soir. Ça va être Oshi, ta marinière. Kylian, bah, j'ai envie qu'on se l'écoute maintenant parce que si on commence à attendre, ça va pas aller. Donc, je vais essayer de le trouver. Kylian, la balle est en jeu. Voilà, ça c'est fait. La raquette, comment t'as pu faire? Bah, je me suis tapé la raquette dans la tête. Ok, très bien, pas de soucis. Vous connaissez tous Oshi, évidemment. Oshi. Hiroshi. Ta marinière, c'est le titre qu'on s'écoute tout de suite. Vous êtes en direct dans Jadoul. Derrière ta cigarette, ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. J'espère que vous allez bien, vous êtes toujours dans Jadoul en direct. La soirée commence à toucher à sa fin, étant donné qu'il est 21h51 et je suis complètement fan d'Oshi. Je vous le dis, et je connais les paroles par cœur. Je peux vous faire un exemple. Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. Je sais que t'as perdu la tête et que t'es devenu complètement fou. Mais j'ai tout raté, je merci Kylian, de rien. Mais dans ma madrague. Bon, il faut que j'arrête parce que sinon je vais le faire durant toute la soirée, ça va pas aller. Bien, merci Oshi. On te rappellera la semaine prochaine en direct dans le 20h-22h. Ah mince, j'avais envie de mettre une musique avant que l'émission se termine. Ah, c'est con parce qu'il est fini. Là, bah oui. Et surtout peut-être qu'on l'a pas que, en plus. Peut-être que tu nous trouveras une musique d'ici la fin de l'émission ou de la saison. Peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout comment tu vas t'organiser. Mais en tout cas, vous êtes toujours dans Jadoul. C'est le 20h-22h qui est là, qui vous accompagne en ce 19 mai 2018. Et en tout cas, le plus important, c'est que nous sommes en direct avec vous. Et on s'enchaîne avec la suite de l'objet du peuple. L'objet du peuple. Dans cet objet du peuple, Kylian va nous rappeler les deux premiers indices. Alors, le premier c'est « On me voit beaucoup ». Attends, vas-y, je refais la même voix que tantôt. Ouais, Rocky. Bonjour Rocky. Salut. Oh, j'arrive plus à toi. On me voit beaucoup. Ouais. Sur la plage. Ouais. Et le deuxième. Ouais. Attention, c'est Bigard. C'est Bigard. Alors, c'est le putain chameau. Ça, c'est Bigard. Allez, vas-y, c'est parti. Alors, vas-y, Bigard. Alors, le deuxième, c'est « On me plante dans le sable ». Oh, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Oh, merde. Merde. Je suis complètement fan. Bon, très bien. Ça, c'est les deux premiers indices, c'est ça? Oui. Donc, allez, je le dis sérieusement maintenant. « On me voit beaucoup sur la plage ». Et le deuxième, c'est « On me plante ». On me plante. Le premier indice a été répété par Kylian. Le deuxième indice également. Voici le troisième et c'est le dernier de cette soirée. Dans 5 minutes, on aura le résultat et la réponse. Et voici le troisième indice. Je suis pratique. Oula, c'était pas du tout l'effet, merci beaucoup. Je suis pratique pour lutter contre le soleil. Là, normalement, vous l'avez. Je peux pas faire plus clair. Les trois indices que vous avez là, Kylian, des propositions. On me plante. Je suis un bâton que l'on plante. Je sers à me protéger du soleil. Une pelle qui a de la crème solaire. Mais à quel moment tu cherches ça? Bah, une pelle avec de la crème solaire. T'as déjà mis de la crème solaire à une pelle? Oui. D'accord. Très bien. Non, j'ai roulé une pelle à la crème solaire. Non, mais en plus, la sensation est désagréable d'avoir de la crème solaire sur le dos et tout. Et tu mets un pull. Je déteste ça, moi. C'est comme la crème pour les mains ou quoi, je déteste ça. C'est une horreur. Oui, ce qui fait que j'ai les mains comme le papier de verre. Bien. Ça, c'est vrai. Il touche une vitre, il la griffe. Je suis le seul au monde à faire ça. Moi, enfin, je la huile. Il y a, ouais, toi tu huiles les fenêtres et voilà. Moi je suis le seul à griffer les fenêtres. Enfin non, je suis pas le seul, il y a aussi les lépreux qui peuvent le faire. Donc je peux me comparer à des lépreux, donc ce qui n'est pas très sympa pour moi. Bah, surtout pour eux, hein, les pauvres. C'est ça. On fera un petit point bistrot la semaine prochaine avec Jean-Michel Caron. On sera en direct de l'extérieur du studio, depuis le devant de la radio. Et peut-être qu'il sera avec nous. Car on va quand même avoir un petit mini-bar et des marshmallows à griller près du feu. Bah donc, oui, on va essayer de l'inviter, tiens. On va essayer de l'inviter. Ça invité exceptionnel de l'émission. J'espère et que si ça ira. S'il vient, on mettra une photo. De Jean-Michel? Oui, sur la page. Oh, ce sera compliqué. Instagram. Ce sera compliqué. En plus, les droits à l'image avec Jean-Michel, ça c'est dur à les avoir. Dans un buisson étalé. Dans un buisson étalé. Ça vous ne défaisait pas, hein, qu'il serait capable de dire. Il le dirait comment, Jean-Michel? À mon avis, il dirait rien, il ferait comprendre. Bah, c'est ça que s'il pourrait dire. Bref, ça c'est notre petit Jean-Michel que l'on va retrouver sûrement la semaine prochaine. Du moins, je l'espère car je l'apprécie énormément. En tout cas, on compte sur lui car c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. On compte sur vous. Ouais, c'est important car Jean-Michel. Les hommes aiment votre poitrine. Merci beaucoup, Laurent Ruquier. Ça fait trois fois dans cette émission. On vous aime beaucoup, mais en tout cas, la présence de Terence Bernard qui nous a confirmé dans cette émission reste quand même... C'est très incertain et assez flou. Voilà. Donc il n'est pas du tout venu et on l'en remercie. Et bravo à toi Terence, on te revaudra ça car on comptait sur toi. C'est pas grave, on va faire avec. Et est-ce que tu peux déjà me dire ce qu'il y aura la semaine prochaine dans ton émission, Kylian? Eh ben oui, il y aura des nouveaux hits. Les plus frais. Ce qu'on entend nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Même dans le 19-20h, on l'entend pas. C'est bien vrai, ça. Ce que je te propose de faire, tu sais me faire un twerk. Oh là là, il nous fait un twerk, il est en train de se déhancher. Pas de bronzer, il n'est pas très compliqué. Vous êtes toujours dans Jadoul et c'est déjà la fin de cette émission. Kylian, peux-tu me dire qui est Paga que l'on vient d'entendre à l'instant? Alors oui, donc Paga, de son vrai nom, est Anthony Pagini Neuron. Il est né le 19 janvier 1988 et c'est un candidat de la télé-réalité. J'essaie d'aller trop vite, voilà. De la télé-réalité. Et non, donc, là justement, tu prends ton temps. Et donc il est DJ et il s'est fait connaître en 2012 dans Les Marseillais à Miami. Ah, il est DJ à la base? Il est DJ. Ah, ok, d'accord. Ok, bah chacun peut tenter des reconversions, mais le titre est sympa, ça va, ça passe. Il était pas mal le titre, non? Oui, ça passe. Ça oui. passe, j'aime bien. Pour du twerk, c'est bien. C'est ouais, Kylian d'ailleurs est. Mais je le connaissais pas. Il a mal aux hanches à la force d'avoir twerké. D'ailleurs, je vous le rappelle, il est très important pour vous comme pour nous que vous vous inscriviez dès maintenant sur l'adresse mail public@tmsprod.com pour assister à l'émission en public qui va avoir lieu d'ici quelques semaines dans une région que l'on va vous communiquer bientôt sur les réseaux sociaux. Donc inscrivez-vous déjà, peu importe d'où vous venez, on fera en sorte que vous puissiez tous venir nous voir. On a envie de vous rencontrer d'ici la fin de la saison. Et venez nombreux. On a encore 5 émissions pour vous organiser ça, donc j'espère qu'on aura l'occasion de le faire, enfin du moins on croise les doigts. Merci Kylian pour cette émission. Bah de rien, bonne soirée à vous. Allez, on vous souhaite le meilleur pour la semaine qui vient et surtout une bonne fin de week-end. What's the sense in sharing this one and only life?